Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Nous avions déjà vu comment les mots français finissant par ible, I-B-L-E, et able, A-B-L-E, ont souvent la même terminaison en espagnol, mais ont bien évidemment une prononciation différente. Ainsi, possible devient possible. La terminaison ible se prononce ible. J'en profite pour vous indiquer que le E se prononce toujours en espagnol, même à la fin d'un mot, et il se dit E. Donc, comment dites-vous possible en espagnol? Possible. Possible. Possible n'a qu'un seul S en espagnol. Pourtant, celui-ci se prononce se, possible, et non ze, comme on le fait en français lorsqu'un S est entouré de deux voyelles. En français, le S peut se prononcer de deux façons. Il se dit ze, comme dans désert ou poison, ou se, lorsqu'il est redoublé comme dans dessert ou poisson. En revanche, en espagnol, il se prononce toujours se et ne se redouble jamais. On a donc possible. P-O-S-I-B-L-E. Maintenant, si esta, E-S-T-A, signifie cette, et situation, S-I-T-U-A-C-I, au accent aigu, N, situation, comment diriez-vous « Cette situation est horrible ». Bravo! Esta situación es horrible. J'espère que vous avez bien prononcé « ible » à la fin de ce mot. Nous avons également déjà dit dans les autres méthodes que « salir » S-A-L-I-R signifiait « sortir ». Attention à ce verbe, c'est un faux ami. Il ne signifie jamais « salir ». Après « salir », on utilise aussi le petit mot « de » qui se dit « de » en espagnol, puisque l'on a dit auparavant que le « e » se prononçait toujours « e ». On a donc « salir de ». Donc, si « maintenant » se dit « ahora », A-H-O-R-A, et ici « aquí », A-Q-U-I accent aigu, comment diriez-vous « je veux sortir d'ici maintenant » Quiero salir de aquí ahora. Quiero salir de aquí ahora. On dit bien de aquí. L'apostrophe, comme dans d'ici, n'existe pas en espagnol. Et si e se dit i, comment diriez-vous cette situation est horrible et je veux sortir d'ici maintenant? Esta situación es horrible y quiero salir de aquí ahora. Esta situación es horrible y quiero salir de aquí ahora. Continuons avec ces petites transformaciones. Comment diriez-vous terrible? C'est bien, terrible. Et impossible? Vous voyez, ce n'est pas difficile. Impossible se dit impossible. Et ce mot n'a lui aussi qu'un seul S. Très peu de consonnes peuvent se redoubler en espagnol. Seules, celles qui apparaissent dans le prénom Caroline, à savoir C-R-L-N. Comment diriez-vous en utilisant noche, N-O-C-H-E, pour dire soir, et sans traduire le de après c'est impossible? C'est impossible de le faire ce soir. Es imposible hacerlo esta noche. Es imposible hacerlo esta noche. Notez que dans les structures comme « c'est impossible de »,« c'est facile de » ou commençant par « il est » comme dans « il est important de », »,« il est nécessaire de », le « de » ne se traduit pas en espagnol. On a donc dit « es imposible hacerlo » pour « c'est impossible de le faire ». Remarquez aussi que l'on a dit « esta noche » pour « ce soir » car « noche » est féminin en espagnol. Si « quasiment » se dit « casi » C-A-S-I. Comment diriez-vous? C'est imperceptible, quasiment invisible. Bravo! Excelente! Es imperceptible, casi invisible. Es imperceptible, casi invisible. Lorsque je vous ai félicité, j'ai dit « excelente ». Eh bien, il n'y a qu'un seul « L » en espagnol à « excelente ». Vous vous demandez certainement pourquoi il n'y a pas deux « L » alors que je vous ai dit auparavant que toutes les consonnes du prénom « Caroline » peuvent se redoubler. Le « L » peut effectivement se redoubler, mais il donne alors le son « ailier » que l'on retrouve dans de nombreux mots comme « calle », rue, llave, clé. En Amérique du Sud, notamment en Argentine, ce son se prononce surtout je. Rue se dira alors cage. Notez enfin que l'on dit excelente. Le X et le C se disent à la suite excelente. Voyons maintenant le verbe admettre, qui se dit admitir. A-D-M-I-T-I-R. Un autre mot de la même famille est admissible. A-D-M-I-S-I-B-L-E. Il n'y a encore qu'un seul S dans ce mot. Et que signifie admissible? Effectivement, c'est admissible. Il n'y avait pas de piège. Ces transformaciones fonctionnent donc dans les deux sens. Il est ainsi facile de reconnaître ces mots en espagnol et de les transformer en français. Lorsque vous écoutez des conversations en espagnol ou que vous lisez, essayez de repérer ces mots. Vous enrichirez ainsi votre vocabulario. Voici une transformation d'un autre mot en ible qui est proche mais pas totalement identique à son homologue français. Il s'agit de compréhensible, qui se dit comprensible en espagnol. Maintenant, si grâce à se dit gracias a, que l'on écrit en deux mots, G-R-A-C-I-A-S et A, et en utilisant estas transformaciones pour ces transformations, comment direz-vous? Attention, ne faites pas une pause tout de suite après la question, nous allons séparer la phrase. Grâce à ces transformations, l'espagnol est plus compréhensible maintenant. Allons-y petit à petit. Dites d'abord, grâce à ces transformations, gracias a estas transformaciones, gracias a estas transformaciones, notez que C en espagnol s'accorde au pluriel mais aussi au féminin. Il s'adapte donc totalement au mot qui le suit. On a alors estas, car le mot qui vient ensuite est transformaciones. Dites maintenant, en utilisant más, M, A accent aigu S pour plus, l'espagnol est plus compréhensible maintenant. El español es más comprensible ahora. El español es más comprensible ahora. Dites maintenant la phrase entière. Grâce à ces transformations, l'espagnol est plus compréhensible maintenant. Gracias a estas transformaciones, el español es más comprensible ahora. Roberto, ¿a quoi ressemble cette phrase avec un accent d'Amérique latine? Gracias a estas transformaciones, el español es más comprensible ahora. Gracias a estas transformaciones, el español es más comprensible ahora. Avez-vous entendu la légère différence de prononciation? Comme nous l'avons déjà vu dans les autres méthodes, dans certaines régions d'Espagne ainsi que dans toute l'Amérique latine, le C devant un E ou un I, ainsi que le Z devant n'importe quelle voyelle, se prononce comme un S. On dira par exemple transformaciones, razón. Toutefois, on entendra le plus souvent en Espagne transformaciones, razón. Mais ne vous inquiétez pas. Laissez le temps à votre oreille de se faire à ces différentes prononciations. Vous n'avez pas besoin de saisir cela pour comprendre ce qui est dit, ni pour vous faire comprendre.